Radiomatic. Amorcer la transmission 410 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du groupe britannique Plone, de son premier album For Beginner Piano, paru en 1999. Nous entendions la pièce Busy Working. Et maintenant, c'est au tour de la formation écossaise Mogwai d'assurer la continuité à Audiomatic. Audiomatic, c'était l'artiste américain qui est connu simplement en tant que Beck et la chanson Paper Tiger qui se retrouve sur son 8e album Sea Change, sorti en 2002. Précédemment à Beck, il s'agissait du groupe américain Mazzy Star de son 4e album Seasons of Your Day, lancé en 2013. Il nous interprétait la chanson Flying Low. et la formation écossaise Mogwai débutait cette séquence musicale avec sa composition Catherine, extraite de son premier album Young Team, rendu disponible au public en 1997. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le duo anglais Coldcut. We'll be right back. Thanks for listening. It's just Nous avions droit à Audiomatique au groupe montréalais Surface of Atlantic qui nous offrait la chanson Tea Garden tirée de son deuxième album A Frame Per Season paru en 2010. Tout juste avant, nous écoutions le duo anglais Coldcut du single More Beats and Pieces qui a été mis sur le marché en 1997. Nous vous avons présenté le remix de cette pièce qui a été exécutée par Kid Koala, Holy, Tiba et DJ Food et qui s'intitule More Beats and Pieces, Beans and Pizzas, Strictly Kid, Tiba Jam. Sans plus tarder, allons-y maintenant à Audiomatique avec la formation anglaise Asian Dub Foundation. Persuasion starts to develop in the relation. So what can be done? stop. This country's bursting out the seams. This country's going to the wars. Boggling in a bullet, toggling in a kite. Boggling in a bullet, toggling in a kite. Thank you. Ce bloc musical à Audiomatique se terminait avec la pièce Merge du duo britannique Lamb. Merge se trouve sur le premier album homonyme de Lamb qui a été lancé en 1996. Nous avons aussi pu entendre le groupe belge Front 242 avec sa composition Collision qui provient du mini-album Still and Raw, paru en 2003. Et en amorce de ce segment, la formation anglaise Asian Dub Foundation se faisait entendre avec sa chanson PKNB, qui est issue de son premier album Facts and Fictions, dont la première édition remonte à 1995. En conclusion de cette transmission 410 d'Audiomatique, nous avons décidé de terminer avec le groupe américain Dear Oof et sa chanson Mothball the Fleet qui viendra mettre un terme à cette émission. La chanson Mothball the Fleet fait partie du 11e album de Dear Oof intitulé Breakup Song et sorti en 2012. Nous vous donnons bien entendu rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc Dear Oof et la chanson Mothball the Fleet. C'était Audiomatique avec les sonoristes. So